Dans la kashique, ça s'appelle le monde astral. Dans les religions, ça s'appellera le ciel, la conscience de Dieu, la conscience des ancêtres. Il y a plusieurs noms. Mais qui va faire en sorte que ce qui est impalpable, parce que ça n'a plus de corps physique, entre en contact avec de l'être humain. Le gros de la problématique, c'est que l'être humain, donc, est surtout orchestré par son corps astral, par sa psychologie. Il y a le corps mental, qui est le quatrième corps planétaire, qui, lui, va légiférer certaines choses, dépendamment de sa maturation, au départ, c'est de l'intellect. Lentement, il devient mental, il devient plus logique, il va légiférer. Et ensuite, il y aura un contact plus clair avec l'intelligence, avec le vrai, la vraie personne, avec l'homme, avec l'être réel. Sauf qu'en attendant, ça va rester uniquement une question de mémoire, de désir, d'émotion, en fonction de ce que des informations que nous avons. Si vous avez une information qui vous dit « Investissez à la bourse dans telle compagnie, c'est fiable », vous allez investir parce que vous êtes intelligent. Mais si l'information n'est pas bonne, le faire avancer. Toute la vie, toute votre vie, vous devez constater que les informations que vous recevez sont des informations qui sont fausses ou souvent, ou qui sont falsifiées. Alors, ça crée chez vous un doute permanent. Et ce doute permanent engendre nécessairement une insécurité, un stress permanent, une peur fondamentale. Et ce doute permanent, il est nécessaire, il est engendré par des mécaniques. On pourrait en parler, mais c'est plus des choses qu'on parle en séminaire. Mais il y a un doute permanent. Et ce doute permanent va permettre à des forces, à de l'énergie, à des structures, de se nourrir de votre peur, de vos souffrances, de votre présence. Ce doute permanent-là va être la nourriture idéale, va engendrer plutôt des mécaniques chez vous qui vont nourrir les religions, les divinités. Ça va nourrir la politique, ça va nourrir les guerres, ça va nourrir tous les besoins psycho-émotifs de l'humain. Le doute est engendré par la vision qu'on a qui est falsifiée. C'est falsifié par la Par salle. L'expérience que tu te casses la gueule le moindrement que tu te mets à vivre. Tu ne sais jamais quoi faire, puis une fois sur deux, c'est pas bon. Puis quand c'est bon, c'est pas évident que ça serait pas bon. Mais si je ne le sais pas, c'est parce que je suis trop branché sur l'astral. Non, si tu ne le sais pas, c'est parce que présentement, ta nature, ben oui, dans ce que tu dis, c'est que la nature, ce que tu es actuellement, tu fais confiance à tes cinq sens physiques, tu fais confiance à d'autres sens, qu'on appelle l'imagination, la pensée, etc., les illuminations, les idées de génie, les eureka, tu fais confiance à ces contacts-là. Prenez juste un exemple d'une personne, et ça m'arrivait, ça n'arrive plus maintenant. Bon, tu fais confiance ou tu y crois? Ça, bon, OK. La confiance, c'est une chose. Y croire, c'est une confiance exagérée. Puis la foi, ben c'est une confiance très exagérée. Puis la foi aveugle, évidemment, on va vous demander une foi aveugle. Et allez pas voir nulle part. Parce que vous risquez de trouver, de changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Bon, il y a des gens qui venaient me voir, qui me disaient... dernièrement, j'ai rencontré un voyant, une voyante, un médium... Et j'ai mon grand-père qui est décédé et elle m'a mis en contact avec lui. Et mon grand-père a dit ça, a dit ceci, cela. Tu sais, maintenant, il nous protège. Il n'y a rien de pire que de dire que pendant son vivant, il était absolument incapable de rien faire, il ne comprenait rien. Et maintenant qu'il est mort, là, il sait tout, c'est un génie qui vient nous aider. C'est génial. Mais s'il se prend en maison, ce serait étonnant qu'un ectoplasme vienne l'éteindre. Moi, je leur explique, je leur disais toujours à ces personnes-là, c'est pas votre grand-père. On vient encore une fois vous niaiser. Ah ben oui, non, j'ai reconnu sa voix, puis ce qu'il a dit, c'est toute l'information de votre vie, elle est dans l'astral. N'importe quel voyant, médium, peut aller le lire. Encore bien plus quelqu'un qui fait partie du monde astral, un mort, qui fait partie du monde de la mort. Et la seule chose que je leur disais, c'est quand vous allez recommencer, parce que vous allez recommencer, vous êtes humain, vous aimez ça, vous allez recommencer. Vous allez simplement dire à la voyante, il y a des questions que j'ai posées. Je peux? Elle va dire oui, bon, parfait. Là, votre grand-père va revenir, puis vous allez simplement lui dire, tu n'es pas le grand-père, puis dis-moi qui tu es. Là, ça va dire, je suis le grand-père. Non! Dis-moi, c'est la vérité. Puis à 100% des cas, quand ils sont venus me voir, ce monde-là me disait, à un moment donné, ça a la voix changée, tout a bougé, c'est nu noir dans la cabane, on a eu froid. Puis c'était pas le grand-père, c'était une bébite, un homme en chure. Ça veut se nourrir de l'homme. La problématique, c'est que l'homme est tellement branché à différents sens, qu'il n'arrive plus à faire confiance à son intelligence. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à savoir. Mais vous savez des choses, parce que vous en avez ras-le-bol de temps en temps. Sauf que le moindre même commence à être écœuré, et l'écœurement réveille. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les religions ont constaté que ceux qui avaient souffert beaucoup avaient eu des illuminations, contact avec la réalité. Et à un moment donné, au lieu d'expliquer aux gens que probablement que la réalité que l'on voit est une illusion, on devrait travailler autrement, Ils ont expliqué aux gens que vous allez devoir souffrir pour arriver au contact. Et là, on aura le culte du martyr. Pourquoi? Parce que c'est la souffrance qui intéresse finalement le concept planétaire. Souffrir. Vous voulez être guéri? Souffrez. Montez les marches derrière toi à genoux, faites quelque chose, vous devrez souffrir. Mais le doute, il est omniprésent que tous les gens qui veulent, bon, il y en a qui sont branchés dans une religion, par exemple, parce que c'est l'espoir de s'en sortir. La religion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie. Pourquoi une personne rentre dans une religion? C'est pour essayer d'éliminer son doute. Mais même une fois obscurcie par la religion, inconsciemment, elle garde le doute. C'est pour ça qu'elle devra convertir, se faire convaincre à la messe régulièrement, sans ça. Mais même à ça. Par exemple, la personne, elle a un doute, elle va fouiller ailleurs. Tu sais qu'il y a une chaise ici. va fouiller ailleurs pour confirmer qu'elle est à la bonne place, en tout cas, pour confirmer qu'elle n'a pas tort. Et puis là mettons, en chambre. Ça, c'est l'obligation de convertir, entre autres. De protester. Oui, de se convertir. Non, mais finalement, quand tu convertis, tu te convertis. Tu dois convaincre autrui, parce que si autrui est d'accord, ça te prouve que tu as raison. C'est toi que tu veux convaincre. Si, par exemple, à un moment donné, tu entends parler de quelque chose, tu trouves que ça a bien du sens, tu vas même en douter. Tu n'as pas le choix. Il y a quand même quelque chose qui va venir faire en sorte que tu vas en douter. Même si tu dis, maudit, je pense que c'est presque ça. Mais c'est évident, parce que l'expérience de ta vie te prouve que sans arrêt, les informations de Dieu, du prêtre, de ta mère, de tes parents, de toi, de l'astral, d'un fantôme, d'un grand maître, de la matière, de ton choix, de ton sein, c'est toujours des conneries. Donc, c'est évident qu'un jour, vous allez avoir un contact avec votre intelligence. Vous allez, évidemment, on va venir vous dire qu'est-ce qui dit que c'est vrai. Mais quand vous allez avoir des contacts avec une entité du monde de la mort, jamais ça va venir vous dire qu'est-ce qui dit que c'est vrai. Ça va venir vous dire c'est vrai en tabarnouche. Mais quand tu as contact avec l'intelligence, là, tout de suite, l'astral se garoche. Oh, mais qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Puis c'est quand je dis souvent que l'être humain sait tout ce qu'il a à savoir pour être en santé, pour être heureux, pour grimper, pour parvenir à s'en sortir. Mais c'est par ces contacts-là. On s'arrange pour le démoler. Mais ces contacts-là, Daniel, c'est pareil comme quelqu'un qui, dans l'ésotérisme, à un moment donné, il croit sur une coupe volante, puis il en voit une. En tout cas, il pense qu'il en a vu une. C'est vraiment plus fort comme impact que d'être d'une religion puis de se faire dire que Dieu existe. Non. De trancher là-dessus. Non. Il n'y a rien qui t'a frappé. Mais c'est un esprit. Il y a plus de gens qui croient aux religions que des gens qui vont croire à la science, à la médecine ou aux soucoupes volantes. Puis en plus, les gens qui ont vu des soucoupes volantes, 3-4 ans après, ils sont plus sûrs s'ils l'ont vu. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans la religion, par exemple, qu'il y a un esprit une entité qui vient te parler. Là, tu peux moins en douter parce que hey, c'est plus vrai que le reste. T'as vraiment entendu quelque chose, c'est que le doute Oui, mais ça, c'est parce que là, tu marches avec un mélange d'intelligence. Et ce que tu dis là n'est pas applicable. Moi, je viens dire. Regarde, je comprends. Ce que les gens vivent. Mais les gens vivent même pas ça comme ça. C'est ce que les gens devraient vivre au minimum. Consciemment, c'est ça qu'ils vivent. Même pas. Moi, je viens dire à quelqu'un, j'ai rencontré Dieu. Personne ne me croit. Tu prends un livre, là, la Bible, c'est des gars, des morts qui ont écrit ça. J'ai rencontré Dieu. Tout le monde y croit. Pourtant, moi, je suis là. Je suis bien plus, tu sais. Non, on ne croira pas plus. On va croire les choses en plus impalpables. Ben oui, mais ça a du bon sens parce qu'on apprend que quand tu vas rejoindre Dieu quand tu es mort. Fait que lui, il est mort. Il l'a rencontré. Il est dans son vivant, là. Bon. Imaginez-vous, en plus, il faut mourir pour aller rejoindre Dieu. Tu vas venir tout de suite. Mais Dieu veut pas. C'est interdit. Il faut souffrir avant. Non, mais peut-être parce qu'il y a une file trop longue. Je ne peux pas te faire attendre. Mais, Daniel, en tout cas, il a l'air à ramasser une coupe parce qu'il y a des gars, il y en a un peu partout. Tout à l'heure, tu as dit que la vie planétaire, c'est notre vie. Oui. Mais ça revient à dire qu'il faut changer le monde. Bien, c'est évident. Mais c'est toujours dans le sujet. Je comprends. Non, mais c'est parce que moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Moi, finir, ça a bien du bon sens. Mais là, il faut que je parle vite parce que les heures sont courtes ici. Donc, on en était. C'est une chose qui est importante de comprendre, donc, ce qui va arriver. C'est qu'à un moment donné, puis regardez comment ça se procède, comment ça fonctionne. Vous êtes deux individus, deux collègues de travail, par exemple. Ça peut être un couple, conjoint et conjointe. Bon. Puis à un moment donné, ben là, il y a quelque chose qui se prépare. Tout va bien. On est bien. On s'entend, c'est merveilleux. Puis à un moment donné, moi, je vais simplement dire, j'ai vu un gars avec une drôle d'auto, puis ça ressemblait, c'est une amanchure, une scrap. Ça ressemblait à la tienne, mais c'est une farce. Mais il y a une entité, il y a quelque chose dans l'astral qui est déjà venu préparer à recevoir le mot. Puis ce mot-là devient un mot-clé, un levier pour le mettre en colère. Et moi, je suis l'entité, quand elle l'a préparé, elle vient me voir. Puis là, elle commence à me faire du sucre dans mes mots. Je parle de quoi? Je parle de rien. Oh, ben, il y avait. Elle devine ce que j'ai vu. Comment ça se fait que subitement je pense à ça? Devine ce que j'ai vu. Puis là, c'était un homme en chaud, un maudit, une affaire, une espèce de tuque. Il y en a une, tu sais. Elle a manche, mais moi, je pense pas. Et là, je vais dire le mot-clé, on l'a préparé. Une affaire, là, tu sais, un truc vert. Et là, c'est le mot-clé. Ouais, tu parles de moi, je pense. Puis là, moi, ben, non, non, on parle pas de toi. Puis là, ça y est, tout allait bien. Chaque fois qu'il y a une engueulade, une discussion d'école, il n'y a rien au départ. Rien. Il y a du monde correct. Tu rentres au travail, il y en a un qui passe, puis qui va dire une affaire, ça peut te planter toute la journée. On t'a préparé en arrivant. Il y a des gens, regardez ceci, vous finissez de travailler, vous en allez chez vous, puis en vous en allant, on vous prépare. Au travail, on vous prépare. C'est sans arrêt la même maudite babelle. Vous voulez aller demander quelque chose à votre patron, vous rencontrez quelqu'un d'autorité, vous êtes tout prêt, tout correct, allez-y, vous allez voir, on vous prépare à planter, on s'organise. Ça fait partie, ça, des mécaniques astrales. Ça veut dire que l'être humain doit ouvrir ses yeux pour se rendre compte que dans sa vie, il y a une très, très, très, très forte manipulation au niveau de son bonheur, de sa vision des choses, de la certitude qu'il a en lui, de son amour propre. Aujourd'hui, je faisais une conférence à des enseignants. Et j'ai posé la question, il y avait une quinzaine, une école privée. Je disais simplement, vous, là, est-ce que vous êtes une bonne personne? Ah, les profs, pas pire. Je pose un autre. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Ben, je dis, boire, réveillez-vous! Je dis, comment? Bon, je pose un autre. Toi, est-ce que tu aimes les mauvaises personnes? Elle dit non. Ces deux-là, ils n'aiment pas les mauvaises personnes non plus. Est-ce qu'ils sont des bonnes personnes? Ils ne sont pas sûrs. Est-ce qu'ils vont s'aimer? Ils n'aiment pas les mauvaises personnes, puis ils se considèrent comme les mauvaises personnes. Et là, il faut que je parle à une personne après ça. Aimes-tu ça voir du monde souffrir? Non. Aimes-tu ça voir des animaux souffrir? Non. Aimes-tu ça voir des jeunes qui viennent à l'école et qui coulent? Non. Aimes-tu... Je lui ai posé plein de questions. Là, j'ai dit donc, je peux en déduire que tu es une bonne personne. Réveillez-vous! Mais vous n'êtes même pas capable de le dire! Ah ben oui, mais c'est comme si je me vantais, c'est comme si je le sais. Je le sais. Avez-vous des qualités? C'est difficile à dire. Avez-vous des défauts? Pas de problème. Toute l'humanité et toute la structure psychologique de l'humanité est bâtie comme ça. Moi, je suis une bonne personne. Je ne me prends pas pour un autre. Si je me prenais pour un autre, c'est qui l'autre pour qui je me prends? Hein? Vous ne trouverez pas. C'est interdit que personne ne soit une bonne personne. Hein? Vous êtes des bonnes personnes. Il y en a un autre qui me disait, oui, mais de temps en temps, je fais des... Es-tu content de ce que tu fais comme connerie? Non. Ben, tu es une bonne personne. Tu serais content. Tu sais, là, on peut se poser des questions. L'humain ne peut pas s'apprécier lui-même. Au départ, doutez de vous autres au maximum. Ça va juste vous amener à rechercher de l'information. Cette information-là, vous la savez frauduleuse dans 99% des cas. Ça veut dire que toute la vie psycho-émotive de l'humain est une vie complexe au maximum. Une vie fausse, finalement. Ben, c'est une vraie vie fausse. Mais changer le monde, ça équivaut à ce moment-là plus à changer cette vie psycho-émotive-là que de changer la matière. Quand on parle de changer le monde, là, on parle de changer le monde. Bon, regardons ceci juste comme principe amusant. Moi, je dis que la nature fondamentale de l'être humain, ça n'a jamais été amené jusqu'à date sur la Terre, parce que ça fait partie des illusions complexes. C'est que la nature fondamentale de l'être humain, c'est de s'auto-détruire et de rechercher au maximum le malheur. Et on s'amuse uniquement à regarder des activités. Là, il y a eu une bataille à Québec. Okay? Parce que là, moi, tu sais, Québec, ils sont en compétition avec Montréal. Tout le temps, dans tout. Fait que là, ils ont réussi à avoir leur propre émeute. Bon. Alors, mais nous, on en a eu deux avec la Coupe Stanley. Écoute, les autres, ils là-bas, ils commencent à faire. C'est pas la Coupe Stanley pour avoir une émeute. Ils ont juste des députés. Pourquoi les jeunes ontariens, par exemple, vont-ils s'en aller jusque là-bas? Pourquoi, par exemple, quand. Moi, je rencontre un jeune, ça m'est arrivé une fois à Hull. On rencontre un jeune, et puis je lui demande, est-ce que tu veux la souffrir? Il va dire non. Est-ce que tu veux manger des coups? Non. Là, tu t'en vas où, là? Oh là, m'envoie ça à Maine! Mais il va peut-être en donner, par exemple. Non, Sainte-Catherine, même pas. Ça va à Sainte-Catherine, non, du monde, des jeunes corrects. Ça va à Sainte-Catherine puis Saint-Laurent, par exemple. À Hull, il y avait une place, c'est plein et plein de sous-longs, ça buvait, c'était une amanchure. Puis là, t'as du monde qui s'en vient, là, qui regarde ça, là. Oups, ça n'a pas l'air, ça sa gueule, puis ça crie, puis ça se tapoche un peu. Puis là, ben ça approche pour boire un peu. Sais-tu qu'est-ce qu'ils veulent, ce monde-là? Ils veulent manger d'une claque. Et là, on va dire, mais non, c'est pas ça qu'ils veulent. Alors qu'ils s'en aillent ailleurs. Mais non, ils approchent encore voir. Il y en a d'autres qui vont dire, non, non, moi, je veux juste passer. Ils pourraient bien juste me laisser passer, ton lit, puis ça se bouscule. Je fais une traversée. Il y a plein de rues vides. Non! Moi, je vous dis, l'humain va y aller parce que l'humain a une chance de manger une volée. Et là, vous allez dire, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Les gens qui vont... Tout ce que l'humain fait est basé sur cette mécanique. Tout ce que l'humain fait... Dernièrement, je disais à du monde, ceux qui font de l'impôt, ceux qui font du marché noir, leur gros bonheur, ce qu'ils recherchent, c'est pas d'économiser de l'argent, c'est de vivre dans le stress d'être pincé. Et souvent, ils vont même finir par faire des gaffes pour être pincé. Parce que c'est ça que l'humain recherche, la merde. Il ne faut pas que les gens pour rien. Maintenant, ce que l'humain, ce que vous devez comprendre, c'est que pourquoi alors... Bon, d'une conférence, là, un mois ou deux, tu disais, ben c'est pas vrai, il y a du monde qui ont travaillé pour améliorer le sort. Ouais. Personne ne travaille pour améliorer le sort. Puis quand, si à un moment donné, on parle de changer le monde, il faut comprendre les mécaniques avant sous-jacentes à l'état du monde. Mais regardez ceci. L'être humain vit d'une certaine façon, l'intelligence descend, puis quand l'intelligence descend, elle vient le tripoter. C'est vous autres, ça, quand vous venez, c'est votre conscience. Et là, il arrive simplement ceci, que quand votre conscience descend, elle vient vous tripoter, ça vous fait mal. Une souffrance sans douleur, ça vous place en dissonance cognitive. Vous vous posez des questions. Mais une souffrance psychologique? Ça s'appelle s'interroger sur le monde. On se pose des questions. C'est une souffrance pour l'humain. Est-ce que c'est souffrant de te demander si tu vas vivre après la mort ou pas? Te le demander, c'est pas souffrant. Mais ça fait chercher du monde en maudit. C'est une souffrance sans douleur. C'est pas physique. C'est une souffrance. Alors, il arrive simplement que ce contact-là va vous obliger à venir atténuer l'affaire. Alors, vous allez poser un geste pour couper le contact. Dans la majorité des cas, le geste est un geste positif. Exemple, là, tu te fais chatouiller suffisamment par l'intelligence pour cesser de te droguer. Puis à un moment donné, tu vas cesser de te droguer. Pas pour vivre mieux. Pour que la tabarnouche d'intelligence te laisse la paix. Une fois que tu ne te drogues plus, elle ne t'écœure plus. Mais où est-ce qu'il est? L'humain bouge pour ça, tout le temps. Mais à un moment donné, oui, mais à un moment donné, il y a un mur, puis là, tu traverses l'autre bord, et là, tu fais des choses pour améliorer dans le sens positif. 7 ou 8 ans. Mais pour l'instant, l'humain va vous devez simplement comprendre où je vais en venir tout de suite là, c'est que la journée que vous décidez de vous occuper de vous, c'est parce que votre intelligence, vous autres, là, ben vous accueille depuis un petit bout de temps. Puis à un moment donné, vous allez finir par le faire pour avoir la paix. Exactement comme moi, je vais dire à mon fils, tu devrais faire ta chambre, tu devrais faire ta chambre, tu devrais faire ta chambre. À un moment donné, il va faire sa maudite chambre pour avoir la paix. Pas pour avoir une chambre propre. Mais l'humain avance comme ça. Pourquoi c'est si long et lambinant? L'humain avance comme ça. Et après, on va dire aux jeunes, « Puis, t'as compris qu'il fallait faire ta chambre? » Non. Ah, les humains, après la guerre, ils font la paix. Ont-ils compris qu'il faut la paix? Non. Ils font la guerre quand ils ont le temps. L'humain qui, à un moment donné, s'occupe de sa santé, ça commence à s'améliorer. Est-ce qu'il a compris? Non. Il va commencer à le démolir quand il va pouvoir. Fuir le contact avec la conscience. Et toute la vie de l'humain est orchestrée sur une amélioration positive. Fuir le contact avec la conscience. Mais par rapport à justement cette fuite-là du contact avec la conscience, changer le monde, il est où? Il faut arrêter de fuir ce contact-là. Est-ce qu'on peut, présentement, est-ce qu'on peut... Bon, pour changer le monde... Tolérer cette irritation-là, finalement. Combien de temps j'ai passé? Oh boy, tu parles trop. Oh, c'est pas moi qui parle trop. Bon, en tout cas, si je parle plus... Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain a des sens. Les sens physiques, il y en a théoriquement 5. Il y a 5 amis, en tout cas. Il y a des sens vitaliques, les sens reliés au corps vital, ça, il y en a à peu près une vingtaine. Bon. Il y a des sens psychologiques, il y a des sens astraux, ça, il y en a une douzaine. Il y a des sens mentaux, il y en a 3. Changer le monde, ça fait quoi? Ça fait premièrement, mais le gros de la problématique, c'est que fondamentalement, personne ne veut améliorer les choses. Quand on regarde à Oka, à Kanis Attaqué, à Kanawagi, etc., on laisse tout aller. Quand on regarde en Bosnie, on laisse tout aller. En Somalie, on laisse tout aller. C'est des occasions de souffrance humaine. Alors, le gros de la question, c'est que avez-vous l'énergie, la conscience, la volonté nécessaire pour entreprendre une démarche où vous allez effectivement améliorer votre sort, votre condition. Et ça, c'est une maudite bonne question. Quelqu'un qui travaille pour faire de l'argent, est-ce qu'il veut faire de l'argent? Non! Il recherche la souffrance. La voie de sa souffrance sera par le travail. Peut-être par la possession de l'argent, par les divorces, par les multiples problèmes, par les ceci, par les cela. Je connais quelqu'un qui a fait fortune. Il vendait de la drogue à ceux qui avaient fait fortune. D'abord, vous rentrez là, puis on vous servait des petits bonbons, de l'héroïne, de la coke plutôt, puis on vous servait des choses, c'était fourni. Et on parle là-dedans de ministres, de sous-ministres, de très, très, très, très grosses compagnies. Les gens ont eu de l'argent et les gens en pouvaient pour souffrir un peu plus. Prends l'exemple des criminels, la mafia. La mafia, ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles, ils prennent pas de drogue. Ils vivent heureux. Jusqu'au jour où ils savent très bien qu'un gars va rentrer, bien en blanc, il va venir les descendre. Pourquoi ils restent là-dedans? Parce que c'est le plaisir de vivre. Vivre en étant toujours certain que c'est demain. Vivre en te disant que chaque fois que ça sonne, c'est peut-être là. Il va rester là. Il souffre. Il est parfait. C'est lui-même. Quand vous décidez de changer les choses, minimum, quand on a l'intelligence, vient faire sa petite visite occasionnelle, ça crée de la conscience. Il y en a pour qui c'est plus présent que d'autres, mais la nature humaine est encore très forte. Vous savez que vous devez faire ceci, que vous devez faire cela, mais vous ne le ferez pas. Vous savez que vous devez coucher à une certaine heure, mais vous ne le ferez pas. Vous savez que vous devez cesser de regarder tel genre de film, etc., ou de vous gaver de nouvelles dégueulasses. C'est pas ça qui nourrit l'humain. Mais bon. Daniel, tu peux avoir une certaine paix quand tu le fais. Ton exemple de la mafia est bon, parce qu'à un moment donné, admettons qu'il y en a un de la mafia, lui, décide de sortir de la mafia. Il peut il va se faire descendre comme ça. Oui, mais c'est ça que. Non, s'il veut sortir de la mafia, là, c'est pas pour améliorer son sort. Non, mais parce que là, ça prend trop de temps avant qu'on court après lui. En sortant de la mafia, il y a déjà tout après lui. Non, mais déménage dans un autre pays où ce qu'on ne connaîtra pas, c'est pas ça qu'il va faire. Il va dire, moi, je veux sortir, mais en restant à côté, tu sais, arrête. Non. Mais s'il déménage dans un autre pays, il ne fera pas. Mais moi, je faisais le parallèle. Ouais, il va déménager des États-Unis, il va déménager en Sicile. Bon, ici. Et moi, je faisais le parallèle avec quelqu'un qui est chatouillé par l'intelligence. Bon, tu donnes l'exemple de quelqu'un qui décide, là, qui cesse de mal manger. Il cesse de mal manger, là. Bon, mais ça se peut qu'il commence à mal digérer. Ça, c'est évident. Parce que c'est illégal de travailler pour améliorer ta condition. Donc, c'est là, là. Moi, non, c'est pas là, illégal. Okay. Moi, je vais expliquer, changer le monde. Bon, après ça, il y a de l'espoir, de votre espoir. Mais là, changer le monde. Rapidement, le gros de l'histoire, c'est que chaque fois que les spirituels l'ont déjà dit, eux autres, ils faisaient ça pour souffrir. Peut-être vous allez le faire pour souffrir. Ça marche, par exemple. C'est que chaque fois que vous allez décider, donc avoir l'énergie pour, de faire quelque chose de blanc. Pas de bien, là, de blanc. Non, mais normalement, ça fait du bien. Mais le bien fait du mal à l'humain. OK? Moi, je rentre chez quelqu'un, puis je lui dis, je lui donne des compliments. Et moi, on dit que t'as de l'air pisé, je t'ai dit, puis je suis fier de connaître, puis il est tout proche, il est tout mal. Non, le bien, ça fait du mal. Alors, faut pas. On va plutôt donner des bêtises. On est habitué, mais donner... Combien de mots par année vous donnez en bêtises? Ou en piquage, comparé aux mots que vous donnez pour aider à construire l'autre. Non, ça c'est vrai. Ouais, mais c'est normal, parce qu'on sait très bien qu'on fait souffrir l'autre en... Il donne des affaires. Moi, si je dis j'aime Michel, parce qu'il commence à me têter, il pense une porte ouverte, il va chercher des façons de souffrir. C'est pas long. Plus nous allons faire des choses blanches, ça veut dire agir en être intelligent, plus nous allons laisser des traces d'expérience dans l'astral, dans la structure atomique de la matière. Comme les êtres humains sont nécessairement toujours astralement en contact avec cette mécanique-là, ben nécessairement, tu changes le monde. Et on appelle ça un pilonnage du monde astral. Le pilonnage se fait, pour votre information, depuis quelques années. Mais là, on joue que le temps. Le pilonnage se fait depuis près de 175 millions d'années. Il se fait en arrière, dans une autre adresse temporelle que l'humain appelle le passé, une adresse temporelle de 120 millions d'années, et il se fait dans une autre adresse temporelle que l'humain appelle le futur, qui contient aussi plusieurs millions d'années. Le pilonnage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que des êtres comme vous allez vivre psycho-émotivement de nouvelles relations, allez avoir de légers contacts avec des mécaniques du futur, des réincarnations du futur, allez avoir des désirs, des besoins, vous allez émettre des émotions dans votre corps physique, c'est endocrinien, des rêves. Moi, j'appelle ça de l'utopisation. Et utopiser, c'est une mécanique très puissante pour changer le monde. Et là, ce que vous faites, c'est que par votre respiration, par votre vie, par vos paroles, par vos agissements, par votre présence, vous venez changer un peu la structure atomique, le monde astral. Et là, il arrive que les autres humains respirent le même air que vous, reçoivent les informations par le monde astral, et lentement, la société change, les sociétés changent, les gens se font chatouiller par votre intelligence, nécessairement lentement par la loi, et pour éviter le chatouillement, ben, ils vont être obligés de faire un pas en avant malgré eux, vers quelque chose de mieux. À un moment donné, moi, il y a un travail énorme que j'ai fait au niveau du pilonnage des structures astrales. Il y a d'autres individus qui font la même chose. À un moment donné, pour vous expliquer le principe même de la chose, le mur de Berlin ne tombera pas. En quelques semaines, il est sous le cul. Il s'est passé simplement que les ancêtres des gens qui vivent aujourd'hui ont juste changé un petit iota dans leur conscience astrale. Rien d'autre parce que ça te massacre un futur au complet. Et à un moment donné, ce qui ne se peut pas se fait. Comment ça se fait? Parce que subitement, l'autre là-bas, il commence à prendre conscience que c'était épais son mur. Puis l'autre subitement aussi. Puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Ça, c'est l'effet lent du pilonnage dans le temps qui finit comme une vague par arriver à frapper le monde aujourd'hui. Alors, ça fait en sorte que Nostradamus, par exemple, a prévu une guerre entre les musulmans, l'URSS et les États-Unis. Et ensuite, l'URSS se défrait. La Russie irait s'allier aux Américains pour mettre fin à la guerre. L'URSS est déjà défaite avant même la guerre. Le mur de Berlin est tombé avant même la guerre. Et il y en a plein de choses comme ça. Ça veut simplement dire qu'il y a du travail qui se fait, j'en avais déjà parlé en 80, en 60, en 84, il y a du travail qui se fait de pilonnage et ça change le monde. Mais l'idée, c'est que l'être humain va se dire, oui, mais ma petite action va faire quoi? Les spiritualistes se disent à un moment donné, si on réunit 300 ou 400 000 personnes à la même heure pour méditer sur la paix dans le monde, ils font pas ça pour changer le monde. Ils font ça parce que l'intelligence les écarte, puis souvent ils vont servir de tout ça, ils vont se rendre compte que ça n'a pas marché, puis après ça ils s'en servent pour souffrir. Ils sont à la pêche. Bon, alors ils sont pas plus positifs que le reste de l'humain. Sauf que ça va changer des petites choses. Mais le gros de l'affaire là-dedans, c'est que chaque colère, chaque frustration exprimée dans la conscience d'un être humain qui mute un petit peu, qui est en voie de changement, ça a l'effet d'une bombe nucléaire dans le monde astral. Et ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, n'importe qui d'autre finit par le changer. Du futur, dans le futur, il y a des sociétés, il y a des cités, il y a des façons de vivre. Mais il y a des êtres humains qui ont accès, inconsciemment dans la majorité des cas, à ces mémoires-là. Et cet accès-là fait en sorte qu'ils l'expriment. À un moment donné, ben, dans le passé, dans ce que vous appelez le présent, ou même ce qu'on a vu dans le passé, il y a des gens qui vont essayer de faire ces cités-là. Ils se cassent le nez. Parce que là, ils ont essayé de faire une chose trop rapidement. Ça fait partie du pilonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure façon, je vais vous donner un exemple parce que bon, le temps passe, mais vous devez comprendre simplement que l'humain ne changera pas parce que vous allez lui expliquer le bon sens. Il n'y en a rien à foutre, il recherche la souffrance. Te rends-tu compte que si tu cessais d'arriver en retard à l'école, tu aurais moins de problèmes? Tu peux continuer à arriver en retard pareil. Mais là, nécessairement, il va devoir rationaliser son retard. Oh, parce que l'école m'écœure. Non, non, il y a une occasion d'être malheureux, de se faire imprimer, de se faire enguirlander, d'avoir la bonne sur son dos. Alors, il faut bien comprendre le principe. L'idée fondamentale, c'est que moi, je prends de l'argent, je prends des plaques en or, je grave dessus en araméen, une autre histoire, version numéro 824B de la vie du Christ. Ces plaques d'or-là, on va les cacher quelque part en Judée. Et par la suite, eh bien, j'appelle un archéologue ésotérique, occulte, religieux, un petit peu connu. Et là, je lui dis que j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait trouvé dans une place qui me semble que c'est bon. Jusqu'à temps qu'il le voit. Quand il va trouver mes petites plaques en or, il va commencer à être bon. Puis là, je viens de vous changer l'histoire, le cours complet de la chrétienté. Parce que là, on va découvrir que le Nazaréen n'a pas été là, qu'il n'est pas mort là, que c'est un autre, que je peux faire ce que je veux. L'humain va embarquer. Puis les religions vont embarquer. Il va y avoir des schistes. Il y a des religions qui vont dire que c'est pas bon. On a découvert les manuscrits de la mer morte. Il y en a qui ont décidé maintenant qu'ils penseraient avec ça. D'autres ont dit jamais on va en tenir compte. C'est évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour changer le monde, la meilleure façon de le faire, c'est d'être conscient. Pas de se mettre en marche, en missionnage. On ne fait pas du porte-à-porte pour changer le monde. Le monde n'en veut pas. Bon. Mais par exemple... On respire. Vas-y, on va y aller après. On s'arrange pour rechercher.